Chapitre 16e, Monsieur James Conyers. La première semaine de juillet vit entrer James Conyers, le nouvel entraîneur à Mellish Park. John n'avait pas pris d'autres renseignements auprès des anciens maîtres de cet individu, attendu que la parole de M. Pastern lui suffisait parfaitement. M. Mellish avait essayé de découvrir la cause de l'émotion d'Aurora pendant la lecture de la lettre de M. Pastern. Elle était tombée comme morte à ses pieds. Elle avait eu des attaques de nerfs pendant tout le reste de la journée, et le délire la nuit suivante, mais elle n'avait pas prononcé un seul mot, jeté le moindre jour sur le secret de cette étrange et soudaine émotion. Son mari était assis à côté d'elle le lendemain du jour où elle s'était évanouie à ses pieds. Il la contemplait avec inquiétude, et ses yeux ne quittaient pas un instant ceux d'Aurora. Il éprouvait une douleur semblable à celle qu'avait dû éprouver Talbot Bulstrode à Felden à la réception de la lettre de sa mère. La sombre muraille s'élevait lentement et le séparait de la femme qu'il aimait. Il allait maintenant connaître les tortures connues seulement de l'homme dont la femme est séparée de lui parce qu'il a le pouvoir de mettre plus de distance que toutes les immensités de terre et les vastes océans. Un secret. Il contemplait cette figure pâle posée sur l'oreiller. Ses grands yeux noirs, hagards, tout grands ouverts, fixés vaguement sur le sommet lointain des arbres empourprés de l'horizon. Mais sur ce visage bien-aimé, il ne lisait pas un mot qui peut l'aider à comprendre ce mystère étrange. Il n'y avait rien de plus qu'une expression de fatigue, comme si l'âme, se reflétant sur ce pâle visage, était si affaiblie qu'elle ne pouvait plus rien ressentir qu'un vague besoin de repos. Les fenêtres étaient ouvertes, mais la chaleur du jour était accablante. Le paysage brillait d'une teinte jaune, comme si l'atmosphère elle-même eût pris un corps, quelque chose de semblable à l'or en fusion. Les roses du jardin semblaient elles-mêmes subir l'influence de la nue brûlante. Elles laissaient retomber leur lourde tête comme les personnes qu'un mal de tête accable. L'énorme Bow-Wow, couché sur la pelouse sous un acacia, était aussi bourru qu'un vieux gentleman, et appelait sans pitié un frivole papillon qui tournoyait en bourdonnant autour de sa tête. Tout beau que fût ce jour d'été, il n'était pas moins de ceux où l'on est porté à perdre sa bonne humeur et à se quereller les uns les autres à cause de la chaleur, tout homme se sentant la conviction intime que son voisin est pour quelque chose dans l'intensité de la chaleur de l'atmosphère et qu'il ferait plus frais s'il n'était pas là. C'était une de ces journées où les malades sont particulièrement irascibles, où les gardes malades murmurent contre leur métier, où les voyageurs de troisième classe des trains de plaisir et pour une longue distance demandent à grands cris de la bière à toutes les stations et s'en veulent mutuellement du peu de place qui leur est allouée, de la dureté des bancs et du système de ventilation insuffisant qu'emploie la compagnie. Une journée où les hommes affairés se révoltent contre le bruit incessant des roues, assiègent avec fureur les tavernes pour y calmer leur palais surexcité avec de l'eau de seltz et du vin frappé. Une journée anormale où le désordre règne partout pendant ces 12 heures de chaleur suffocante. John Mellish, assis patiemment au chevet de sa femme, songeait fort peu à la chaleur du jour. Je doute même qu'il sût dans quel mois on était. Pour lui, la terre ne renfermait qu'une seule créature, et elle était souffrante et malheureuse, et il ne pouvait pas la consoler, car il ignorait la nature de sa douleur. Quand il lui adressa la parole, sa voix tremblait. « Mon ami, vous avez été bien malade, » lui dit-il. Elle le regarda avec un sourire si différent de son expression ordinaire, qu'il eût été moins pénible pour lui de lui voir verser d'abondantes larmes. Puis elle lui tendit la main. Il prit cette main brûlante dans la sienne et la garda pendant qu'il lui parlait. « Oui, ma très chère femme, vous avez été malade. Mais Morton assure que ce n'a été qu'une simple attaque de nerfs et que demain il n'y paraîtra plus. Ainsi, il n'y a donc pas lieu de s'alarmer. Ce qui me peine, cher ami, c'est de voir que vous avez dans l'esprit quelque chose qui a été la cause réelle de votre maladie. » Elle détourna son visage et essaya de lui retirer sa main dans son impatience, mais il la tenait fortement dans les siennes. Est-ce que ce que je vous ai dit hier vous cause de la peine, Aurora? Demanda-t-il avec gravité. Me faire de la peine? Oh non. Alors dites-moi, cher enfant, pourquoi ce nom, le nom de cet entraîneur prononcé en votre présence, a-t-il produit sur vous un si terrible effet? Le docteur vous a dit que c'était une attaque de nerfs, dit-elle froidement. Je suppose qu'hier j'étais sujette à une attaque de nerfs, voilà tout. Mais ce nom, Aurora, ce nom, ce James Conyers, qui est-il? Il sentit la main qu'il tenait serrée s'agiter convulsivement dans la sienne à la simple mention du nom de l'entraîneur. Quel est cet homme? Dites-le-moi, Aurora. Pour Dieu, dites-moi la vérité. À ces mots, elle retourna son visage de son côté. « Si vous ne voulez de moi que la vérité, John, ne me demandez rien. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au château d'Arc. C'est un secret qui a amené ma rupture avec Talbot Bulstrode. Vous eûtes confiance en moi, alors John, il faut vous fier à moi jusqu'à la fin. Ou si vous me retirez votre confiance... » Elle s'arrêta brusquement. Et les larmes montèrent lentement jusqu'à ses grands yeux tristes qu'elle tenait fixés sur son mari. « Eh bien, cher, il faut vous séparer de moi, comme Talbot s'en est séparé. »« Nous séparer ? » cria-t-il. « Aurora, mon amour, croyez-vous qu'il y ait sur la terre quelque chose qui puisse nous séparer avant la mort ? Pensez-vous qu'aucune combinaison de circonstances, si étrange, si inexplicable qu'elle soit, me fera jamais douter de votre honneur ou trembler pour le mien ? Serais-je ici si je doutais de vous ? Pourrais-je m'asseoir à vos côtés, vous faire ces questions, si je craignais votre réponse ? Rien ne peut ébranler ma confiance, rien. Mais ayez pitié de moi. Songez combien il est amer pour moi de me trouver là, votre main dans la mienne, et de savoir qu'il y a un secret entre nous. Aurora, dites-moi, cet homme, ce Conyers, qu'est-il et qui est-il ? Vous savez cela aussi bien que moi, il a été groom, puis jockey, maintenant il est entraîneur. Mais vous le connaissez ? Je l'ai vu. Quand ? Il y a quelques années, quand il était au service de mon père. Pendant un moment, John Mellish respira plus librement. L'homme avait été groom à Felden Woods, c'était tout. Cela expliquait comment il se faisait qu'Aurora avait reconnu son nom, mais cela n'expliquait pas son émotion. Il n'en savait pas plus qu'auparavant. « James Conyers était au service de votre père, » dit-il d'une voix triste. « Mais pourquoi ce nom prononcé devant vous hier vous a-t-il causé une telle émotion ? Je ne puis vous le dire. » « C'est donc un autre secret, Aurora ? » dit-il d'un ton de reproche. « Ou bien cet homme est-il mêlé au secret dont vous m'avez parlé au château d'Arc ?» Elle ne lui répondit pas. « Ah, je vois, je comprends, Aurora, » ajouta-t-il après une pause. « Cet homme a servi à Felden Woods. C'est un espion, peut-être. Et il a découvert le secret, et il en a abusé ainsi que font souvent ces sortes de gens. C'est là ce qui a causé votre émotion. » Vous craignez qu'il ne vienne ici pour vous tourmenter, en faisant usage de ce secret pour vous extorquer de l'argent, et vous tenir perpétuellement sous sa griffe par la terreur qu'il vous inspire. Je crois que je comprends tout, n'est-ce pas ? Est-ce cela ? Elle fixa les yeux sur lui. L'expression de son visage, en ce moment, était celui d'une bête fauve pourchassée qui se sent acculée. Oui, John. Cet homme, ce groom, c'est quelque chose du secret. Oui. John Mellish détourna la tête et cacha sa tête dans ses mains. Quelle cruelle angoisse, quelle amère dégradation. Cet homme, un groom, un valet, était dans la confidence de sa femme. Il avait le pouvoir de se faire craindre d'elle, au point que son nom seul suffisait pour la faire évanouir et tomber à terre comme frappée de mort. Au nom du ciel ! Que pouvait être ce secret que possédait un valet, et qui cependant ne pouvait lui être confié ? Il se mordit les lèvres jusqu'à ce que ses dents rencontrassent la chair vive, tant était grande la douleur que faisait naître en lui cette pensée. Qu'était-ce ? Il avait juré une minute plus tôt d'avoir une confiance aveugle jusqu'à la fin, et pourtant, tout son corps tremblait de la tête aux pieds. Le doute et le désespoir s'élevaient dans son âme comme deux démons jumeaux, mais il luttait contre eux, et parvint à les terrasser. Se tournant alors vers sa femme, avec un visage pâle mais calme, il lui dit tranquillement « Je ne veux plus vous presser de ces questions pénibles, Aurora. Je vais écrire à Pasterne pour lui dire que l'homme ne peut nous convenir et... » Il se levait pour s'éloigner quand elle l'arrêta par le bras. « N'écrivez pas, monsieur Pasterne, John, » dit-elle. « Cet homme vous conviendra parfaitement, j'en suis certaine. Je préfère qu'il vienne. » « Vous désirez qu'il vienne ici ? » ?»« Oui. » »« Mais il vous tourmentera. Il vous extorquera de l'argent. » »« Il le ferait dans tous les cas puisqu'il vit. Je le croyais mort. » « Alors vous désirez réellement qu'il vienne ici ?»« Oui. » John Mellish sortit de la chambre de sa femme, soulagé d'un poids énorme. Après tout, ce secret ne devait pas être si terrible, puisqu'elle consentait à ce que l'homme qui le connaissait vint à Mellish Park, où il y avait au moins une chance, si éloignée qu'elle fût, qu'il le révélât à son mari. Peut-être aussi ce mystère concernait-il d'autres personnes plutôt qu'elle-même. L'intégrité commerciale de son père, sa mère, il savait peu de choses sur le compte de sa mère. Peut-être elle. Mais pourquoi chercher à savoir ? Il lui avait promis de se fier à elle, et l'heure était venue de tenir sa promesse. Il écrivit à M. Pasterne qu'il acceptait James Conyers sur sa recommandation, et il attendit avec impatience pour voir quelle sorte d'homme était l'entraîneur. Il reçut une lettre de Conyers parfaitement écrite et d'un style fort convenable, par laquelle il le prévenait qu'il arriverait à Mellish Park le 3 juillet. Aurore était remise de son attaque de nerfs quand cette lettre arriva, mais comme elle était encore très faible et très affectée, son médecin lui recommanda le changement d'air, ce qui fait que Mr. et Mrs. Mellish partirent pour Harrogate le 28 juin, laissant le château à la garde de Mrs. Powell. La veuve de l'enseigne avait été scrupuleusement tenue éloignée de la chambre d'Aurora pendant la courte maladie de celle-ci, et, gardée à vue par John, qui fermait froidement la porte au nez de la bonne dame, en lui disant qu'il soignerait lui-même sa femme et que, quand il en aurait besoin de quelqu'un, il sonnerait la femme de chambre de Mrs. Mellish. Mais Mrs. Walter Powell, étant affligée de cette curiosité commune aux personnes qui vivent chez les autres, se trouva sérieusement froissée par cette conduite systématique. Il y avait des secrets et des mystères sous roche, et on ne lui permettait pas de les deviner. Il y avait un squelette dans la maison, et on ne voulait pas lui laisser voir cette horreur anatomique. Elle flairait le trouble et les peines comme les carnivores flairent leur proie. Et cependant, elle, qui haïssait Aurora, ne serait point admise à cette fête du mal. Pourquoi donc les domestiques dans une maison sont-ils si avides de savoir tout ce qui se dit et se fait, les manières, les habitudes, les joies et les douleurs de ceux qui les emploient? Est-ce parce que, ayant renoncé pour eux-mêmes à tout rôle actif de la vie, ils prennent un intérêt malsain à ceux qui luttent au plus épais de la mêlée? Est-ce parce que, arrachés par la nature même de leurs occupations aux liens et aux plaisirs de la famille, ils puisent un malicieux plaisir dans les épreuves et les vexations de famille et dans les brises orageuses qui troublent fréquemment l'atmosphère domestique? Souvenez-vous de ceci, mari et femme, père et fils, mère et fille, frères et sœurs, que lorsque vous vous querellez, vos gens se réjouissent. Assurément, ce souvenir devra suffire pour vous faire tenir en paix les uns avec les autres. Vos domestiques écoutent aux portes et répètent vos paroles de dépit à la cuisine. Ils ont les yeux sur vous quand ils vous servent à table. Ils comprennent les sarcasmes, les allusions les plus intimes, chacun de vos regards, aussi bien que ceux auxquels ces regards, ces allusions mordantes, s'adressent. Ils comprennent votre silence embarrassé, vos politesses étudiées et intéressées. Si polie que soit la forme dont vous revêtez votre haine ou votre colère, ils la devinent aussi sûrement que si vous vous jetiez des couteaux à la tête ou si vous lanciez à votre ennemi le contenu des plats de hors-d'œuvre ou de légumes à la manière de certains querelleurs des pantomimes. Rien de ce qui se fait au salon n'est perdu pour ces impassibles et attentifs espions de l'office. Ils rient de vous. Bien plus, ils vous plaignent. Ils discutent vos affaires, évaluent vos revenus et pèsent entre eux ce que vous pouvez ou ce que vous ne pouvez pas faire. Ils prévoient leur manière, l'usage probable de la fortune de votre femme et prédisent d'avance le jour où vous voudrez vous prévaloir de la nouvelle loi sur les banqueroutes. Ils savent pourquoi vous vivez en mauvaise intelligence avec votre fille aînée et pourquoi vous avez chassé votre fils préféré. Ils prennent un intérêt intense à tous les secrets qui troublent votre existence. Vous ne les admettez à rien. Vous avez l'air plus noir que le diable si vous voyez la sœur de Mary ou la pauvre vieille mère de John assise tranquillement dans l'office. Vous êtes surpris si le facteur leur rapporte des lettres, et vous attribuez le fait au pernicieux système de l'éducation des masses. Vous les éloignez de leur demeure et de leur famille, de ceux qu'ils aiment et de ceux qu'ils affectionnent. Vous leur refusez des livres, vous leur reprochez le coup d'œil qu'ils jettent sur votre journal, et puis vous levez les yeux et vous vous étonnez de ce qu'ils sont curieux et de ce que le fond de leur conversation n'est que scandale et commérage. Mrs. Walter Powell, ayant été traitée par la plupart de ceux qui l'avaient employée comme une sorte de première servante, avait acquis tous les instincts d'une servante véritable, et elle résolut d'essayer de tous les moyens possibles pour découvrir la cause de l'indisposition d'Aurora, laquelle, lui avait donné à entendre le docteur, tenait plutôt du moral que du physique. John Mellish avait fait appeler un charpentier qui devait réparer le cottage de la grille du Nord pour l'installation de James Conyers. Et Langley, le vieux piqueur, devait recevoir son collègue et le conduire aux écuries. Le nouvel entraîneur arriva à la grille au coucher du soleil. Il était accompagné par l'importante personne de Steve Hargraves, l'idiot, qui avait été flâné à la station dans l'espoir de quelque aubaine et que M. Conyers avait chargé du transport de son porte-manteau. À la grande surprise de l'entraîneur, Stephen Hargraves déposa son fardeau à la grille du parc. « Vous aurez à trouver une autre personne pour faire le reste du chemin, » dit-il en touchant du doigt sa casquette graisseuse. et en étendant sa large main pour recevoir le paiement de sa course. Monsieur James Conyers était assez fendant de sa personne. En un mot, il y avait en lui beaucoup du Rodomont, de sorte qu'il se tourna brusquement vers l'idiot et lui demanda ce que diable il voulait dire. « Je ne veux dire que je ne puis dépasser la grille que voici, » murmura Stephen Hargraves. « Je veux dire que j'étais chassé de cette maison où j'ai vécu homme et enfant pendant 40 ans, chassé comme un chien, poussé dehors par les épaules, etc. » M. Conyers jeta le bout de son cigare et lança sur l'idiot un regard hautain. « Que veut dire cet homme ? » demanda-t-il à la femme qui venait d'ouvrir la grille. « C'est voyez-vous que le pauvre garçon est un peu toqué, monsieur. Lui et Mrs. Mellish ne s'entendaient pas très bien. Elle est un peu vive, et j'ai entendu dire qu'elle l'avait cravaché parce qu'il avait battu son chien favori. Quoi qu'il en soit, monsieur l'a renvoyé. Parce que madame l'avait cravaché. Voilà la justice envers les serviteurs dans le monde entier, » dit l'entraîneur en riant. Et il alluma un nouveau cigare à l'aide d'un briquet en métal qu'il tira de la poche de son gilet. « Oui, c'est là de la justice, n'est-ce pas ?» reprit l'idiot avec aigreur. « Vous n'aimeriez pas, je suppose, à vous voir chassé d'une maison où vous auriez vécu pendant 40 années, n'est-ce pas ? Mais Mrs. Mellish est une femme d'une grande énergie. Que le ciel lui conserve sa jolie figure. » Le vœu émis par Stephen Hargraves fut débité d'un ton tellement sinistre que le nouvel entraîneur, homme évidemment pénétrant et très observateur, ôta son cigare de sa bouche pour mieux examiner son interlocuteur. Cette figure pâle, éclairée par une paire d'yeux rouges d'un éclat terrible, n'était rien moins qu'attrayante. Mais M. Conyers considéra l'homme pendant quelques moments, le retenant par le collet de son vêtement pour mieux saisir l'expression de ses traits. Puis, repoussant l'idiot avec un geste de familiarité méprisante, il dit en riant « Vous êtes un type, mon camarade, cela saute aux yeux, et même un type qui n'a rien de bien rassurant. Que le diable m'emporte si je voudrais vous voir offensé. Tenez, mon garçon, voici un shilling pour votre peine, » ajouta-t-il en lançant avec beaucoup d'adresse la pièce de monnaie dans la main que lui tendait Steve. « Je puis sans doute laisser mon porte-manteau ici jusqu'à demain, madame, » dit-il en s'adressant à la femme de la loge. « Je le porterai moi-même jusqu'au château si je n'étais pas blessé. » C'était un si beau garçon, dont les façons étaient à la fois si pleines d'aisance et de nonchalance, que cette naïve bonne femme en fut tout à fait séduite. « Laissez-le ici, monsieur, certainement, » dit-elle avec courtoisie, « et mon homme vous le portera dès qu'il sera rentré. » « Excusez-moi, mais vous êtes sans doute le nouveau monsieur qu'on attend aux écuries. Précisément. » « Alors j'ai commission de vous dire qu'on a préparé pour vous le cottage du Nord. Mais on vous prie d'aller directement au château où la gouvernante vous fera donner tout ce qu'il vous faut et préparer un lit pour la nuit. » M. Conyers fit un signe, remercia la femme, lui souhaita une bonne nuit et s'enfonça lentement dans les ombres du crépuscule et sous l'arcade formée par les arbres de l'avenue. Il quitta la grande allée du milieu pour passer dans la contre-allée de gazon touffu qui la bordait, choisissant, avec un instinct de sybarite, les places les plus moelleuses. Voyez-le s'avancer lentement sous les nobles branches, dans le calme solennel de ce splendide coucher de soleil, le visage éclairé parfois d'un rayon égaré, parfois ombragé par la voûte de verdure. Il est merveilleusement beau, merveilleusement et parfaitement beau. C'est bien l'idéal de la beauté physique, sans le moindre défaut de proportion, comme si chacune des lignes de son visage et de son corps eût été mesurée par le compas d'un sculpteur et ciselée par la main d'un artiste inspiré. C'est un homme au sujet de la beauté duquel il ne peut s'élever de contestation, dont la perfection doit être reconnue par la soubrette comme par la duchesse, qu'elle soit ou non tentée d'admirer. Cependant, c'est plutôt un type de beauté sensuelle que cette splendeur de lignes et de couleurs privées du charme de l'expression. Regardez-le, maintenant qu'il s'arrête pour se reposer. Regardez-le, s'appuyant contre le tronc d'un arbre et fumant son cigare avec un plaisir nonchalant, pour ainsi dire. Il pense. Ses yeux d'un bleu foncé, plus sombres en raison des cils épais qui les frangent, sont à demi fermés. Et ils ont une expression mi-rêveuse, mi-sentimentale, qui pourrait vous faire croire que l'homme rêve à la beauté de ce splendide coucher de soleil. Il songe tout bonnement aux pertes qu'il a faites sur le Chester Cup, aux gages qu'il recevra de John Mellish, et au casuel qui pourrait lui échoir dans sa nouvelle situation. Vous lui supposez des pensées en rapport avec la teinte de ses yeux, et le modèle exquis de sa bouche et de son menton. Vous le dotez d'un esprit aussi esthétiquement parfait que son corps et son visage, et vous reculez en découvrant combien est vulgaire la lame enfouie dans cette gaine magnifique. « Monsieur James Conyers n'est peut-être pas pire que d'autres hommes de son état, mais il ne vaut décidément pas mieux. Seulement, il est beaucoup plus beau. Et vous n'avez pas le droit de lui en vouloir, parce que ses opinions et ses sentiments sont exactement ce qu'ils auraient été s'il avait eu des cheveux rouges et un nez en forme de trompette. » Avec quelle merveilleuse sagesse George Eliot nous a dit que les gens n'étaient pas meilleurs parce qu'ils avaient de longs cils. Encore faut-il qu'il y ait quelque anomalie dans cette beauté extérieure et cette laideur morale, car en dépit de toute expérience, nous nous révoltons contre elle, et nous sommes tous incrédules jusqu'au dernier, croyant que le palais, splendide au dehors, ne saurait être mal meublé au dedans. Que le ciel vienne en aide à la femme qui vend son cœur pour un beau visage et qui s'éveille quand le marché est conclu, pour découvrir la folie d'un semblable échange. M. Conyers mit longtemps à franchir la distance qui séparait la grille du château. Je ne sais comment décrire son infirmité dans les termes techniques. Il était tombé sur son cheval, un steeplechase en Prusse, où il avait failli perdre la vie, et sa jambe gauche avait été terriblement meurtrie. Les os avaient été remis en place par de merveilleux chirurgiens allemands qui avaient réuni l'ensemble, comme ils eussent fait d'un jeu de patience, mais qui, avec toute leur habileté, n'avaient pu empêcher la contraction des muscles, circonstance qui avait rendu le jockey boiteux pour la vie et incapable désormais de reparaître en selle sur le turf. Il était de taille moyenne, pesait un peu plus de 11 stones et n'avait jamais couru que sur le continent. M. James Conyers s'arrêta à quelques pas de la maison et contempla gravement l'irrégulière construction qui s'élevait devant lui. « Voilà une cabane assez bien conditionnée, » fit-il. « Il doit y avoir beaucoup de métal ici, si je me rapporte aux apparences. » Ignorant la topographie du lieu et n'étant aucunement affligé d'un excès de modestie, M. Conyers se dirigea tout droit vers la porte principale et fit jouer la sonnette réservée aux visiteurs et à la famille. Il fut reçu par un grave vieillard, qui, après avoir résolument considéré sa jaquette brune, sa chemise de couleur et son chapeau de feutre, lui demanda avec une âpreté excessive ce qu'il voulait. M. Conyers expliqua qu'il était le nouvel entraîneur et qu'il désirait voir la gouvernante. Mais à peine avait-il parlé qu'une porte s'ouvrit doucement dans un angle du vestibule, et Mrs. Walter Powell sortit du petit appartement qui lui était particulièrement réservé. « Ce jeune homme aura peut-être la bonté d'entrer ici, » dit-elle en s'adressant en apparence au vide, mais indirectement à James Conyers. Le jeune homme ôta son chapeau, découvrant une masse de boucles brunes luxuriantes, et se rendit à l'invitation de Mrs. Powell. « Je pourrais sans aucun doute vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin. » James Conyers sourit. Il se demandait si cette petite masse bilieuse, et il désignait mentalement Mrs. Powell, pourrait par hasard le renseigner sur les courses d'été de York. Mais il s'inclina poliment et dit qu'il désirait simplement savoir où il allait camper. Il s'arrêta pour s'excuser, où il allait coucher cette nuit et s'il y avait des lettres pour lui. Mais Mrs. Powell n'était pas le moins du monde décidée à le tenir quitte à si bon compte. Elle se mit à le faire jaser et travailla si bien qu'elle eut bientôt épuisé cette très légère somme d'intelligence qu'il était disposé à lui accorder, attendu qu'il comprenait parfaitement le procédé auquel il était soumis et qu'il était infiniment plus rusé que la bonne dame. La veuve de l'enseigne ne put donc rien apprendre, si ce n'est que M. Conyers était parfaitement étranger à John Mellish et à sa femme, et qu'il ne les avait jamais vus ni l'un ni l'autre. N'ayant rien pu obtenir durant cette entrevue, Mrs. Powell avait hâte de l'avoir terminée. « Peut-être prendriez-vous volontiers un verre de vin, après la course que vous venez de faire, » dit-elle. « Je vais en demander, et je pourrai en même temps vous renseigner sur vos lettres. Sans doute vous avez hâte d'apprendre comment se trouvent les parents que vous avez quittés. » M. Conyers sourit pour la seconde fois. Il n'avait jamais connu de parents dont il put parler, depuis la période la plus lointaine de son existence, car il avait été jeté de par le monde à l'âge de 7 ou 8 ans. Les parents dont il avait hâte de lire les lettres étaient membres de la plus humble classe de teneurs de Paris avec lesquels il faisait ses affaires. Le domestique envoyé par Mrs. Powell revint avec un carafon de sherry et environ une demi-douzaine de lettres à l'adresse de M. Conyers. « Vous feriez bien d'apporter de la lumière, William, » dit Mrs. Powell au valet qui s'éloignait, « car je suis sûr que vous ne pourrez jamais lire vos lettres sans la lampe, » ajouta-t-elle courtoisement en s'adressant à M. Conyers. Le fait est que Mrs. Powell, affligée de cette curiosité chronique dont j'ai parlé, voulait savoir de quelle sorte de correspondant étaient ceux dont l'entraîneur était si pressé de recevoir des lettres, et elle envoyait chercher la lampe afin de ne rien perdre de ce qu'elle pourrait saisir, à l'aide de certains coups d'œil rapides et lancés avec adresse, des épîtres en question. Le valet apporta une lampe resplendissante, et M. Conyers, que n'avait pas intimidé le moins du monde l'air de condescendance de Mrs. Powell, approcha sa chaise de la table, et après avoir vidé d'un trait un verre de sherry, il commença la lecture de ses lettres. La veuve de l'enseigne, un ouvrage d'aiguille dans les mains, s'assit immédiatement en face de lui devant la petite table ronde. Il n'y avait entre eux que le pied de la lampe. James Conyers prit la première lettre, examina la suscription et le cachet, déchira l'enveloppe, lut la courte communication contenue sur une demi-feuille de papier à lettres et la jeta dans la poche de son gilet. Mrs. Powell, écarquillant les yeux à l'extrême, ne vit rien que des caractères tracés par une main horriblement plébéienne et une signature qui, vue désavantageusement de bas en haut, ressemblait assez à Johnson. La seconde enveloppe ne contenait absolument qu'une liste de paris sur papier pelure d'oignon. La troisième contenait un sale morceau de papier avec quelques mots tracés au crayon. Mais à la vue de l'enveloppe de la première lettre des trois qui restaient, M. James Conyers tressaillit comme s'il venait de recevoir une balle dans la poitrine. Mrs. Powell portait alternativement les yeux sur le visage de l'entraîneur et sur l'enveloppe de la lettre. Sa surprise n'était guère moins forte que celle de M. Conyers. L'adresse était écrite de la main d'Aurora Mellish. C'était une écriture toute particulière, une de ces écritures sur le compte de laquelle il n'y avait pas de méprise possible. Ce n'était pas une italienne élégante, délicate, penchée, féminine, mais grosse et hardie, avec d'énormes jambages qu'il eût été facile de reconnaître à une distance plus grande que celle qui séparait Mrs. Powell de l'entraîneur. Il n'y avait pas moyen de douter. Mrs. Mellish avait écrit au valet de son mari, et son écriture était évidemment connue de cet homme, qui pourtant était surpris de recevoir une lettre d'elle. Il déchira l'enveloppe, lut et relut avec avidité les lignes qu'elle contenait. Son front se plissa et s'assombrit pendant cette lecture. Mrs. Powell se souvint tout à coup qu'elle avait laissé une partie de son ouvrage sur un chiffonnier placé derrière la chaise du jeune homme, et elle se leva pour l'aller chercher. Il était si troublé par la lettre qu'il tenait à la main, qu'il ne remarqua pas cette figure pâle qui, pendant une seconde ou deux, se pencha sur son épaule, pendant que ses yeux gris avides jetaient un regard rapide sur les lignes contenues sur cette page. La lettre était écrite sur le premier recto d'une feuille de papier à lettres. Quelques mots seulement étaient reportés sur la seconde feuille. C'était cette seconde page qu'avait vue Mrs. Powell. Voici quels étaient les mots écrits en haut de la feuille. Surtout ne témoignez aucune surprise. A. La lettre ne contenait pas les compliments d'usage. Elle ne portait pour signature que cette majuscule A.